إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعدنا الله وإياكم من النار Inch'Allah ta'ala, nous continuons notre narration de l'histoire des grands hommes, des grands hommes de la génération qui a suivi celle des compagnons, mais auxquels nous n'avons pas accordé l'attention nécessaire. Et pourtant, leurs grandes œuvres avec lesquels ils ont contribué à construire la civilisation musulmane, sont encore visibles dans certains endroits du monde musulman. Leur époque fut marquée d'épreuves qui sont, somme toute, nécessaires parce que permettant de tendre vers l'époque idéale des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les épreuves de la vie qui font germer les idées nouvelles et qui forment les personnalités. Et c'est le propre de la vie que de faire face à des problèmes et de travailler à dépasser ces problèmes-là. Quelles sont les nouvelles du mois de Ramadan ? Avant-hier, je vous ai entretenu à propos du Coran. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aumône. Combien de fois avez-vous donné l'aumône? Combien de fois vous êtes-vous contenté du premier jour seulement? Tâchez de dépenser tous les jours pour suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui fut particulièrement généreux pendant le mois de Ramadan. Cette année, subhanallah, il y a eu tellement de changements que les gens parfois se trouvent confus, ne sachant quelle voie choisir et quelle personne écouter, et n'arrivant pas à distinguer le faux du vrai. Dans des circonstances pareilles, il y a une règle à suivre, à laquelle était fidèle la personne sujet de notre épisode aujourd'hui. Cette règle est la suivante. Chacun est responsable, après mûre réflexion dans sa recherche de la vérité, du choix qu'il a fait dans la vie, sans pour autant contraindre les autres à suivre sa voie. Et sans être soi-même obligé de suivre celle des autres. Et c'est Allah qui connaît les intentions des cœurs. La personnalité d'aujourd'hui est un des sept grands faqih, juristes, c'est-à-dire spécialistes de la jurisprudence islamique de Médine. Le petit-fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, est un des grands juristes de l'islam. Il s'agit de Salman ibn Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il a vécu la période glorieuse de l'islam, du temps de Omar ibn al-Khattab, et a vécu l'époque de Uthman ibn Affan. Il fut témoin des six épreuves, c'est-à-dire la mort de Hussein, dont on a parlé hier, celle de Uthman, celle de Ali ibn Abi Talib, celle de Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam, et l'épreuve de l'Hajjaj. Ainsi, les revers et les succès de l'islam auxquels il a assisté dans sa vie contribuèrent à façonner fortement sa personnalité. À l'époque de Omar ibn Khattab, il y a eu les grandes conquêtes de l'islam qui atteignirent même Mada'in, capitale de la Perse, dont l'empereur Yazdgard fut obligé de s'enfuir dans un lieu jusqu'à présent inconnu. laissant derrière lui sa famille, ses trésors et tous ses biens. Les combattants ramenèrent alors ces trésors à Omar ibn Khattab radiallahu anhu à Médine, où les musulmans virent pour la première fois le trône de Khosroès, ses bijoux, ses bracelets, mais furent éblouis encore une fois, ou plutôt furent éblouis plus encore, par trois jeunes filles d'environ 20 ans, d'une extrême beauté et vêtues de soie. Ces filles étaient les filles de Yezdegerd, le roi des Perses, prises en otage après la fuite de leur père. Les ayant vues, le juge de Médine, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, courut prendre de l'argent du trésor public des musulmans afin de libérer les trois jeunes filles, à qui il dit, en enlevant leurs menottes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de mettre les gens à leur juste place. Telles sont les valeurs de l'islam, mes frères, mes sœurs. Ces valeurs qui prohibent d'humilier les autres, même s'ils sont des mécréants, et ordonnent de les mettre à leur juste place et les traiter avec à leur juste valeur. Après leur affranchissement, Ali amena les trois filles à Aïcha, la mère des croyants, qui les entoura d'une grande tendresse et prit grand soin d'elles pendant toute une semaine, sans leur dire un seul mot sur l'islam. Les filles en question purent voir concrètement les valeurs de l'islam que cristallisa le comportement de la mère des croyants. Rappelons qu'il s'agit là d'une fonction, d'un titre qu'Allah Azzawajal a accordé aux femmes du prophète alayhi salatu wasalam. À la fin de la semaine, les trois filles choisirent d'embrasser l'islam et prononcèrent l'attestation de foi islamique qui fit jubiler toute la ville de Médine. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu proposa ensuite aux trois jeunes filles de choisir parmi les grands chevaliers de l'islam, fils des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, des maris. Cette proposition avait des motifs politiques, sociaux et psychologiques. En fait, pour le motif politique, si les filles de Yezdegerd venaient à se marier avec de mauvais hommes qui n'ont pas les mêmes valeurs que les compagnons, elles pourraient avoir des enfants qui, un jour, demanderaient le trône de l'empereur de Perse et entraîneraient par la suite les musulmans dans des conflits. Quant au motif social, il s'agit de répondre aux besoins de ces belles jeunes filles qui vivront dans la société de Médine, où il y a déjà de jeunes hommes qui pourraient être attirés par leur beauté. Ces filles éprouvent des sentiments et ont besoin de satisfaire leurs besoins émotionnels en se mariant. Beaucoup de pères aujourd'hui qui ont des filles de différents âges ne tiennent pas compte des besoins psychologiques de leurs filles et considèrent que tant qu'elles ne se nourrissent, ou plutôt qu'elles se nourrissent et qu'elles vivent, alors elles sont bien et elles sont satisfaites. Mais les filles vivent dans des sociétés côte à côte avec des hommes et elles ont des besoins psychologiques. Et enfin, le motif psychologique, les jeunes filles appartiennent à une grande famille et donc, en respect à leur statut social, elles devront se marier également avec de grands compagnons. C'est pourquoi il leur demanda de choisir elles-mêmes leur mari. La première choisit Mohammed ibn Abi Bakr. Ils eurent pour enfant Al-Qasim ibn Mohammed ibn Abu Bakr, un des sept grands juristes qu'on a cités de Médine. La deuxième se maria avec Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib et lui donna pour enfant Zayn al-Abidin, le plus célèbre adorateur. Quant à la troisième, elle se maria avec Abdullah ibn Omar ibn Khattab et lui donna pour fils le héros de notre épisode, Salman ibn Abdullah ibn Omar ibn Khattab, un des sept autres parmi les grands fuqaha, les grands juristes de Médine. Vous voyez comment, subhanallah, les grands compagnons se marièrent bien facilement avec des filles persanes, Tel est l'islam, exemple de tout complexe, et encourageant l'acceptation de l'autre sans aucun racisme. Et ne croyez pas que ce fut facile au début. En fait, les femmes de Médine ne furent pas contentes de ces mariages mixtes avec les Perses, jusqu'à ce que ces mariages aient eu lieu et aient donné naissance à des enfants devenus plus tard de grands noms, bien réussis, yani connus. C'est alors que les cultures s'ouvrirent les unes sur les autres. Et on vit les musulmans arabes se marier avec des égyptiennes, des irakiennes, des syriennes. Le comportement de Ali radhiyallahu et de Aïcha avec ces mariages firent disparaître le racisme. Revenons maintenant à Salman. Il fut nommé ainsi car Abdullah ibn Omar savait que son père Omar ibn Khattab avait un ami très proche qui s'appelait Salman, affranchi de Hudayfa qui est mort. Omar l'aimait beaucoup et voyait en lui une personne bien sage, au point qu'il dit « Si Salman était vivant, j'aurais recommandé qu'il fût mon successeur. » Ainsi, pour satisfaire son père, Abdallah nomma son fils Salman. Notons ici que Abdallah ibn Omar fut un des grands savants en jurisprudence et que le fils de ce dernier, Salman, fut à son tour un grand juriste, un grand faqih. Avoir une progéniture pieuse est une bien grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que faisait Omar ibn Khattab pour avoir des descendants pareils? Il priait et il faisait de bonnes œuvres. C'est là un message au père. Si vous voulez que vos fils et que vos petits-fils soient des grandes personnes, protégez le bien. Salman naquit en l'an 24 de l'Hégire, 2 ans après la mort de Omar ibn Khattab, à l'époque de Uthman ibn Affan. Il ne sortit jamais de Médine, où il est mort également. Soulignons également que Omar ibn Khattab avait 6 enfants, dont Abdallah, qui fut le fils le plus proche de son cœur. D'ailleurs, c'est lui le plus célèbre. Abdallah, quant à lui, a eu 8 enfants, dont le préféré fut Salman. Nous, en tant que père, nous devons traiter tous nos enfants avec égalité. Mais nous sommes, subhanallah, des êtres humains. Nous sommes des êtres humains et après tout, parfois nos cœurs préfèrent un fils à un autre. Le fils qui est toujours avec son père, le traite avec générosité et l'aide, jouit d'un peu plus d'affection de la part de son père. Et ceci en dépit du père lui-même. Je demande donc aux fils de ne pas blâmer leur père s'ils les trouvent préférer ceux de leurs enfants qui les soutiennent plus et se tiennent à leur côté. C'est ce qui arriva avec Yaqub, Jacob, et Youssouf, Joseph, entre Omar et Abdullah, et entre Abdullah et Salman, et Salam. L'amour de Abdullah pour Salam, je pense que depuis le début je dis Salman alors que c'est Salam ibn Abdullah. Donc l'amour de Abdullah pour Salam fut tel qu'il s'attira les reproches des gens auxquels il répondit par ses versets de poésie. Il me rapproche l'amour de Salam et à mon tour je les blâme. Ne savent-ils pas que Salam est une partie de moi? Il embrassait son fils Salam à chaque fois qu'il le voyait et il disait « Un chir qui embrasse un autre chir. » Subhanallah. Il prévoyait pour lui une grande carrière. Salam était toujours avec son père au point qu'il a pris tout de sa part, tout son savoir. Un homme demanda à Salam à propos d'un hadith s'il avait entendu une fois de son père Abdullah, et il lui répondit qu'il avait entendu non seulement une fois mais 100 fois. Salam n'avait pas quitté son père depuis durant 20 ans. Je demande aux jeunes de profiter de l'expérience de leur père. Je suis toujours un peu frustré de voir les jeunes chercher l'expérience de leurs amis qui pourraient les tromper et délaisser celle de leur père qui souhaite les leur donner gratuitement et avec amour. La personnalité de Salem diffère de celle de son père. Et celle de son père diffère également de celle de son grand-père. Et les trois s'aimaient beaucoup pourtant. Ils nous donneront une leçon de vie. Chacun est responsable. Après une mûre réflexion, dans sa recherche de la vérité, le choix qu'il a fait dans la vie, sans pour autant contraindre les autres à suivre sa voie, et sans être soi-même obligé de suivre celle des autres. Et c'est Allah qui connaît les intentions. Nous avons dit que les trois sont différents, sont bien différents. Omar ibn Khattab est une personnalité qui aime la confrontation, au contraire de son fils, qui préfère les éviter. Nous rappelons, lorsque Omar ibn Khattab a embrassé l'islam, comment il avait réuni ses enfants et leur avait dit: je vous prie par tous les droits d'embrasser l'islam. Abdullah ibn Omar lui répondit: cela fait un an que je suis musulman. Subhanallah. Omar lui dit: et pourquoi tu ne l'as pas dit? Est-ce que tu aurais laissé ton père entrer en enfer? Abdullah lui répondit: je ne fais pas entrer en confrontation avec toi. Est-ce que vous avez compris maintenant la différence entre les deux personnalités? Il ne faut pas comprendre par là que Abdullah est un lâche ou un peureux. Il a participé à toutes les conquêtes. Quand il était jeune et qu'il voulait participer à une conquête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait retourner à sa maison en raison de son bas âge. Il pleurait et obtempérait aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré son désir ardent. Il ne faisait pas comme d'autres jeunes, subhanallah, qui se cachaient et qui essayaient par tous les moyens de participer à la conquête. Ça veut dire que parmi ces jeunes, il y en avait certains qui, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait de rentrer, ils se cachaient, subhanallah, malgré tout, pour participer à la bataille. Regardez à quel point, subhanallah, c'était déjà des vaillants. Quant à Abdullah ibn Omar, lui, lorsque le prophète lui interdit, le repoussait, il acceptait l'ordre du prophète sallallahu. Salem ressemblait plus à son père, mais avec des différences aussi. Peu avant sa mort, Omar ibn Khattab tint ce discours: je vous recommande 6 personnes parmi lesquelles vous pourrez choisir pour me succéder. Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Talha ibn Ubaidullah, Zubair ibn Awam, Sa'd ibn Abi Waqqas et Abdurrahman ibn Auf. Et s'il n'y avait pas de consensus, c'est Abdullah ibn Omar qui trancherait, c'est-à-dire c'est son fils qui trancherait. Pourquoi? Parce que Omar ibn Khattab savait que son fils n'entrerait en conflit avec personne. Uthman mourut et Ali ibn Abi Talib entra en conflit avec Muawiyah et Abu Sufyan. Et Ali voyait qu'il défendait la vérité. Des personnes périrent dans les deux camps, ainsi que Ali lui-même. Salem était alors âgé de 15 ans et témoigna d'une situation excellente avec son père qui révèle bien qu'il n'aimèrent pas la situation conflictuelle et mit en valeur les règles déjà annoncées plus haut, yani plus tôt. Après la mort de Ali, les gens ont commencé à se poser des questions sur son éventuel successeur. Et de là, ils ont voulu choisir parmi les 6 noms déjà recommandés par Omar ibn Khattab. Mais tous étaient morts. Alors, ils se décidèrent pour Abdullah ibn Omar ibn Khattab. Et ils informèrent de leur décision en présence de son fils, Salem. Il rappela la position des Syriens qui soutenaient Muawiyah. Ils lui dirent: ils lui dirent qu'ils voteront pour lui, et que si les Syriens refusent de voter pour lui, ils les combattront jusqu'à ce qu'ils ils se soumettent. Abdullah refusa catégoriquement d'accéder au pouvoir aux dépens de la vie d'un seul musulman. Ils lui demandèrent alors, lequel de vous deux, Ali et toi, Ali et toi, vous êtes les... Yani, qui est le meilleur entre eux, toi et Ali? Et nous savons que Ali combattait Muawiya. Est-ce qu'il avait tort? Abdullah ibn Omar fut incapable de répondre. Et c'est son fils Salam qui prit la parole et dit: chacun se tient responsable de son propre choix dans la vie qui vient après une réflexion dans sa recherche de la vérité, sans obliger les autres à suivre sa voie et sans être obligé de suivre celle des autres. Et c'est Allah qui connaît les intentions. Et il expliqua: Ali a fait un choix dans la recherche de la vérité et le résultat de sa réflexion n'est pas obligatoire pour mon père. Mon père a aussi réfléchi de sa part et sa décision ne veut pas dire que Ali ibn Abi Talib avait mal agi. Les deux cherchent la vérité et leurs intentions sont sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah admira la sagesse de son fils. Ainsi, je vous propose de suivre cette règle dans ces périodes troubles, dans ces périodes d'épreuves, dans ces périodes de fitna, pour que tout le monde soit en paix, pour ne pas nous combattre ou nous insulter ou nous blesser ou nous juger ou nous rabaisser. Salam affronta quelques armées après une épreuve bien difficile entre Al-Hassan ibn Ali et Al-Hussein ibn Ali, les deux qui sont les maîtres des jeunes du paradis, les fils de Fatima al-Zahra et les petits-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun d'eux avait pourtant une attitude différente dans la question de Muawiya, dont nous avons parlé hier dans l'épisode précédent. Al-Hassan, ayant vu que la force était du côté de Muawiya, avait choisi de renoncer au pouvoir, alors qu'Al-Hussein avait choisi de combattre pour la vérité et la justice. C'est alors que Salam dit que les deux étaient justes, chacun ayant pris la décision selon sa propre réflexion. Et la décision de l'un n'est pas obligatoire pour l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est satisfait d'eux. Salam, s'il ressemblait à son père, fut aussi différent de lui dans certains aspects. Alors qu'Abdallah choisit à l'époque des épreuves de s'isoler pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala tranquillement, Salam choisit de s'impliquer dans les affaires des gens et de se montrer tendre avec eux. Une tendresse pareille à celle des mères pour leurs enfants. Ainsi, tout musulman qui avait un problème allait voir Salam. Les pauvres l'attendaient à la sortie de sa maison. Et lui, il préparait pour eux des sacs d'argent. Le jour où il gagna 20 000 dirhams de son commerce, il les distribua entièrement aux musulmans, au point qu'un pauvre vint le voir après. Et Salam, ne trouvant rien pour le lui donner, emprunta un dirham et le lui donna, subhanallah. Ses esclaves, lorsqu'ils désiraient s'affranchir, faisait semblant d'adorer plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et il les libérait. Et quand on lui dit qu'il le trompait, il répondit: celui qui nous trompe en se servant de l'adoration d'Allah, on le laisse nous tromper pour Allah. Subhanallah. Si Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu n'avait pas libéré ma mère, j'aurais été comme ces gens-là. J'aurais été comme eux. Laissez-moi retourner la faveur aux musulmans. Est-ce que tu as la tendresse de Salman, mon frère, ma sœur? Pourrions-nous être généreux et donner aux pauvres? Salam ne fut pas de nature à aimer les confrontations, mais il se trouvait dans une situation où il devrait dire la vérité. Il la disait sans hésitation. Lorsqu'il devait dire la vérité, il la disait. Souleymane ibn Abdelmalik, le calife des musulmans, se rendit un jour en visite à Médine. Il entra à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vit des gens se regrouper autour d'un homme. Il demanda qui est-ce. On lui dit c'est Salam ibn Abdullah ibn Omar ibn Khattab. Il s'assit à côté de lui, se pencha vers lui et lui demanda: tu as besoin de quelque chose? Salam lui répondit: j'ai honte d'être dans la maison d'Allah et d'implorer l'aide de quelqu'un d'autre que lui. Subhanallah. Et Souleyman acquiesça. Et après la prière, Salam salua le calife et sortit de la mosquée. Le calife le suivit, voulant le satisfaire pour satisfaire les gens de Médine. Après ce qu'ont fait les Omeyyades. Et il lui dit: nous voilà hors de la mosquée. As-tu besoin de quelque chose? Salam répondit: quelque chose de la vie terrestre ou quelque chose de la vie de l'au-delà? Souleyman qui dit: je ne possède pas l'au-delà. Et donc je ne peux te donner que quelque chose de ce que je possède. Mais tu peux demander quelque chose dans la vie terrestre. Alors Salam lui répondit: j'ai honte de demander la vie terrestre de celui qui la possède. Est-ce que je demanderai, subhanallah, j'ai honte de demander la vie terrestre à celui qui la possède. Est-ce que je la demanderai à celui qui ne la possède pas? Souleyman se tut, puis dit: qu'Allah vous accorde encore plus de noblesse, ô famille de Ibn al-Khattab, comme tu ressembles à ton grand-père. De là, Al-Hajjaj arriva à Médine, après avoir tué Abdallah ibn Zubayr, le grand compagnon. Lança sur la Kaaba des catapultes, ligoter les amis de Abdallah ibn Zubayr et les avoir pris en otage. Il voulut prendre Salam un avis qui justifiait ses actes et qui blanchirait son visage devant les musulmans. Il a dit: apportez-moi Salam pour qu'il tue ces gens-là, yani les amis de Abdallah ibn Zubayr. Subhanallah, il crut que Salam était faible. C'est pourquoi il lui envoya un message à sa maison pour lui dire: viens pour tuer ces gens, ou bien toi aussi tu seras tué. Salam accepta d'aller avec le messager, et se dirigea vers le lieu où furent présents les otages qui étaient ligotés. Les gens de Médine et Al-Hajjaj également étaient présents. Il prit l'épée et la posa sur les coups des otages en leur demandant: êtes-vous musulmans? Ils répondirent: oui. Avez-vous accompli la prière collective d'Al-Fajr à la mosquée? Oui, avec Abdallah ibn Zubayr. Et hier et la semaine dernière? Ils répondirent: nous avons prié Al-Fajr avec les musulmans à la mosquée. Oui. Salam retira donc l'épée. Il dit à Al-Hajjaj: le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que celui qui prie Al-Fajr dans la prière collective est protégé par Allah. Tu veux que je tue des gens sous la protection d'Allah? Et il lui jeta l'épée au visage. Subhanallah. Al-Hajjaj lui répondit: nous les tuons pour la discorde qu'ils ont semée et non pas pour la prière d'Al-Fajr. Salam lui dit: celui qui prie Al-Fajr pendant tous ces jours ne peut pas participer à une discorde. Tue-les de tes propres mains. Je ne tue jamais quelqu'un qu'Allah a placé sous sa protection. Al-Hajjaj demanda alors d'enlever leurs menottes. Subhanallah. Salam dit à une personne à côté de lui: je n'ai fait cela que par tendresse pour eux, pour qu'ils soient libérés de leur chaîne. Wallahi, mes frères, mes sœurs, les musulmans ont besoin de cette tendresse de nos jours. La personnalité de Salman allia tendresse et sévérité en cas de besoin. Arriva ensuite l'époque de Omar ibn Abdelaziz, en l'an 99 de l'Hégire, qui était le petit-fils de Omar ibn Khattab. C'est-à-dire que Salman était son oncle. Il était âgé de 75 ans. Omar lui demanda de lui écrire toute la biographie de Omar ibn Khattab et les affaires dans lesquelles il trancha pour qu'il suivît pas à pas ce qu'il avait fait. Abdullah Sallam lui dit, ton époque n'est pas celle de Omar. Et tes hommes ne sont pas ceux de Omar. Et chacun fait ce qu'il peut. Chacun fait ce qu'il peut. Fais l'effort de rechercher la vérité en ayant une bonne intention. Allah t'aidera. Aussi grande que sera ton intention, aussi grande sera l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Wallah, une très belle phrase de Sallam. Si chacun dit, je veux le bien pour mon pays, je veux le bien pour ma nation musulmane, et je vais m'oublier, et telle est mon intention. Je vais oublier mes besoins personnels, je vais oublier moi, mes propres bénéfices. Mon seul objectif est d'apporter une aide à ma communauté. Alors le bien augmentera dans nos pays, le bien augmentera dans notre nation. Et chacun réalisera des choses qu'il n'aurait pas réalisées si ses intentions avaient tourné autour d'une gloire personnelle. Sallam vécut 82 ans et mourut en l'an 106 de l'Hégire. Les hommes pleurèrent la disparition d'une telle personne, aussi tendre que lui. Quant à nous, si nous mourons, est-ce que les gens vont pleurer pour nous? Qu'est-ce qu'ils diront de nous? Est-ce qu'ils vont dire qu'il a vécu pour lui-même et ses enfants uniquement? Ou bien est-ce qu'ils diront qu'il a vécu pour la nation de l'islam? Est-ce qu'ils diront qu'il a vécu pour le triomphe de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dépensez, éduquez vos enfants dans la liberté. Encore une fois, je rappelle aux jeunes de profiter de l'expérience de leur père. N'oubliez pas aussi la règle de Sallam qui vous apaisera dans les périodes d'épreuves, dans les périodes difficiles. Wa sallallahumma ala ashraf al-anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad khatam al-nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.